Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. C'est peut-être l'une des nouvelles les plus étudiées de Jorge Luis Borges, Les ruines circulaires. L'histoire d'un homme venu du sud pour s'adonner aux songes dans les décombres d'un temple. Et de là, rêver un autre homme, une autre existence. Jusqu'à ce que se confondent les niveaux de réalité. Qui rêve et qui est rêvé? On ne le sait plus très bien. D'où peut-être cette circularité des ruines? Et c'est l'auteur lui-même qui en parle au micro de Jean Dev dans cet entretien enregistré en 1978 pour l'émission À Voix Nue. Mémorable. Comme tous les hommes de la bibliothèque, j'ai voyagé dans ma jeunesse. J'ai effectué des pèlerinages à la recherche d'un livre et peut-être du catalogue des catalogues. Maintenant que mes yeux ne peuvent presque plus déchiffrer ce que j'écris, je me prépare à mourir à quelques courtes lieues de l'hexagone où je naquis. Mort, il ne manquera pas de main pieuse pour me jeter par-dessus la balustrade. Mon tombeau sera l'air insondable. Mon corps s'enfoncera longuement, et il se corrompra, et il se dissoudra dans le vent engendré par la chute, qui est infini. Je crois que la situation, c'est la condition de l'événement, non? L'événement semble plus important que la situation. C'est-à-dire, la situation est là tout le temps, et l'événement se produit. L'événement n'est pas, disons, continue, non? Tandis que la situation, nous sommes toujours dans une situation. Les événements sont relativement rares. Je pense que c'est là la différence. Mais cette situation-là est-elle vivable? Nous sommes toujours dans une situation. Mais les événements sont rares, je crois. C'est-à-dire que toutes les situations ne sont pas des événements. L'événement arrive, et il arrive d'une façon qui peut-être est très importante. C'est-à-dire que la situation, c'est la circonstance, c'est l'entourage, c'est la condition nécessaire pour l'événement. C'est là la différence. C'est pourquoi vous avez exclu le personnage. Ah, vous dites, dans cette histoire de Babel, il n'y a pas besoin d'un personnage. Un personnage aurait été de trop. C'était assez étrange. La bibliothèque elle-même était assez étrange. Il ne fallait pas de personnage. Peut-être qu'un personnage, cela aurait été mieux allé. Mais je n'ai pas songé à un personnage. Je me suis borné à décrire la bibliothèque. Mais en même temps, je voulais faire une espèce de cauchemar. Parce que l'idée de l'univers comme une bibliothèque infinie est une image de cauchemar. C'est-à-dire l'idée de réduire le monde à une bibliothèque est une idée mélancolique, une idée accablante. Et quand j'ai travaillé sur une petite bibliothèque municipale à cette époque-là, j'ai projeté cette petite bibliothèque de la banlieue de Buenos Aires, je l'ai projetée, je l'ai fait couvrir, c'était tout l'univers. Et c'est le racine autobiographique du récit. Le fait que j'ai travaillé dans une bibliothèque. Il est même des circonstances de la bibliothèque de Babel que j'ai pris de cette bibliothèque-là. J'étais un tout petit employé, un petit rond de cuir, là. Je me sentais très malheureux. J'ai gagné fort peu d'argent. J'étais assez pauvre à cette époque-là. Alors, cette histoire était comme une espèce de vengeance pour moi, non? De projeter cette situation de bibliothécaire dans une bibliothèque de la banlieue de Buenos Aires pour en faire un univers possible. Possible pendant la lecture, évidemment. Le dessin qui le guidait n'était pas impossible, bien que surnaturel. Il voulait rêver un homme. Il voulait le rêver avec une intégrité minutieuse et l'imposer à la réalité. Ce projet magique avait épuisé l'espace entier de son âme. Si quelqu'un lui avait demandé son propre nom ou quelques traits de sa vie antérieure, il n'aurait pas su répondre. Au début, les rêves étaient chaotiques. Peu après, ils furent de nature dialectique. L'étranger se rêvait au milieu d'un amphithéâtre circulaire, qui était en quelque sorte le temple incendié. Des nuées d'élèves taciturnes fatiguaient les gradins. Les visages des derniers pendaient à beaucoup de siècles de distance et à une hauteur stellaire, mais étaient tout à fait précis. La ruine circulaire, c'est l'histoire d'un rêveur. Il rêve un homme, puis il trouve qu'il est rêvé à sa fois par un autre. Alors, cet autre par un autre. Alors, cela fait une chaîne infinie de personnes qui se rêvent réciproquement. Je crois que c'est ça l'histoire. Mais je ne sais pas si je l'écrirai aujourd'hui avec ce style-là. Je crois que ce style, c'est un style trop décoré. C'est un peu du Salambo. Et après ça, je l'écrirai d'une façon plus simple. C'est-à-dire plutôt Bouvard et Pécuchet, non pas Salambo. Mais quand j'écrivais cela, je voulais écrire à la manière de Salambo, disons, non ? Faire des grandes machines illustres. Je voulais faire une histoire pleine de décors, et je crois que je l'ai fait. Mais le style est trop prétentieux, je trouve. Par exemple, dans la première ligne, je dis « Nulle personne le vit débarquer dans la nuit unanime ». Après ça, je n'irai pas la nuit unanime, non ? Mais à cette époque-là, j'étais jeune. C'est toujours le problème de l'adjectif. Oui, alors je voulais que les adjectifs fussent remarquables, maintenant je tâche que les adjectifs passent inaperçus. C'est-à-dire que les mots passent inaperçus. À cette époque-là, non. Je pensais à chaque mot comme une occasion, enfin pour triompher, pour en être fier. Et je crois que le style rhétorique est mauvais parce qu'il suppose un défaut moral. C'est-à-dire, si on écrit la nuit unanime, alors on sent tout de suite que l'auteur est vaniteux. Et on est vanité quand on le fait. Donc c'est un péché moral. Il y a un manque d'éducation aussi. De vouloir être singulier à chaque ligne. On commence par la surprise, par l'idée de la littérature comme une forme d'étonnement, non ? Comme une façon d'étonner le lecteur. Puis à la fin, on trouve que c'est un peu puéril que de vouloir étonner. On s'en fatigue. Et on écrit d'une façon plus normale et plus grise aussi. Peut-être cette histoire-là est trop écrite, overwritten, comme on dit en anglais. Mais peut-être ce sujet-là demandait ce style-là. Parce que le sujet est tellement invraisemblable, l'idée du rêveur rêvé. Il est tellement concevable que peut-être il fallait l'écrire de cette façon, ce pseudo-oriental, magnifique. Peut-être c'est le style que le sujet réclamait. Mais après ça, si j'avais à réécrire cette histoire, je le ferais d'une autre façon. Et peut-être d'une façon moins efficace, qui le sait. Mais enfin, Dieu merci, je l'écris, je n'ai plus besoin de le réécrire. J'ai d'autres imaginations à présent. Mais cette histoire, de toutes les histoires que j'écris, est plus connue. À Buenos Aires, par exemple, tout le monde a lu cette histoire. On la lit dans les écoles, à l'université, dans toutes les anthologies. Il y a des histoires que je trouve bien supérieures qui n'ont pas eu cette chance-là. Mais ce texte est devenu presque classique à Buenos Aires, la ruine circulaire. Pour cette histoire, il faut que tout soit faux. Il faut par exemple un fleuve infini. Donc un fleuve infini ne se trouve pas. Donc on le place dans un Orient plus ou moins imaginaire, non ? Parce qu'il faut un fleuve infini, un nombre infini de rêveurs rêvés. Ce n'est pas de commencement, ce n'est pas de fin. Donc il faut tout ce prestige de l'Orient, ou de ce que nous signifions par l'Orient. Ce n'est pas l'Orient. C'est vrai, évidemment. C'est l'Orient de l'imagination, l'Orient de mille et une nuits. Le sujet des ruines circulaires recoupe celui de en quelque sorte, de la recherche du cachet. La recherche du cachet, je dirais cela, c'était un peu une blague littéraire, mais je l'écris avant que d'écrire l'autre. Je ne savais pas que c'était la même histoire. Parce que je suis toujours en train d'écrire ces trois ou quatre histoires, que je réécris continuellement, avec des ressemblances, avec des vagues différences. Mais vous avez raison, c'est évidemment le même sujet. Et la trame, c'est que tout le monde exerce une influence sur les autres. Qu'alors on peut trouver quelqu'un à travers une chaîne presque infinie d'influence. Je crois que c'est cela, non? Donc c'est un peu la ruine circulaire. Mais les ruines circulaires sont supérieures, je crois, c'est plus pur. Il y a moins d'accidents. On trouve plus aisément l'argument. Tandis que dans la recherche du cachet, peut-être il y a trop de circonstances, trop de détails précis et faux. Tandis qu'ici, c'est plus pur. L'histoire est racontée d'une façon plus simple. Mais je ne savais pas que ce fut la même histoire. Vous l'avez découvert ce matin. Il y a un peu quelque chose de l'enquête policière dans la recherche du cachet, que l'on retrouve dans d'autres fictions, dans d'autres nouvelles. Oui. Oui, parce que j'étais un grand lecteur, j'étais un grand amateur de livres policiers. J'ai dirigé une collection de romans policiers. J'aime surtout Wilkie Collins et Chesterton, évidemment, et Poe. Ce n'est pas les romans policiers américains, ce ne sont pas des romans policiers, ce sont des romans de violence, de sexualité, tout à fait différents. L'élément intellectuel, il manque. Sauf dans le cas de Poe qui a inventé le genre. Mais à cette époque-là, je lisais beaucoup de romans policiers. Alors cela se retrouve dans la recherche du cachet, mais ça ne se retrouve pas dans la ruine circulaire, qui n'ont rien de policier. C'est tout à fait fantasmagorique. Ou la philosophie idéaliste, si vous voulez, l'idée du monde comme un rêve, l'idée onirique du monde de Novalis, surtout. Et je crois que quand je parle de ce livre imaginaire, je dis que c'est un roman policier. Je crois que j'ai dit cela au commencement. Enfin, si je me rappelle bien, s'il est si longtemps. À travers ces grandes fictions comme La recherche du cachet, Funès, Les ruines circulaires, est-ce que vous pourriez faire l'itinéraire de votre histoire mentale? J'ai l'impression que quand j'étais jeune, j'étais plus ambitieux qu'à présent. Je n'oserais à présent écrire des récits aussi ambitieux. C'est-à-dire, ils sont brefs, mais ambitieux. Et à présent, je crois que j'hésiterais. C'était avant que d'écrire des textes comme ceux-là. J'écris des textes très brefs, très personnels et bien plus modestes. Bien plus terne, plus gris. Tandis qu'à cette époque-là, je n'avais pas peur de la lumière, des ténèbres. Il y avait un risque? Il y avait un risque, oui. Mais comme je lisais beaucoup, je relisais continuellement Hugo, j'étais un peu dans ce monde-là, non? Parce que le monde de Hugo, c'est ça, ce sont la ténèbre, la lumière, des grandes choses redoutables. De vastes forces. Et après ça, enfin, j'ai vieilli, je n'ose pas aborder des choses, des thèmes si importants. Mais peut-être ce livre-là, c'est le meilleur texte, non? Évidemment, il y a une autre raison, c'est qu'à cette époque-là, il me fallait attirer l'attention. Tandis qu'après ça, j'ai l'attention du public. Donc je sais que n'importe quelle chose que j'écris sera lue. À cette époque-là, je ne pensais pas pouvoir être lu. Il me fallait, d'une façon ou l'autre, il me fallait, disons, élever la voix. Tandis qu'après ça, non, les gens m'acceptent, ils sont très indulgents envers moi, ils sont trop indulgents peut-être, ils sont très généreux, et ils acceptent n'importe quoi. Je me suis très paresseux, donc cela a peut-être influé sur moi. Votre œuvre est-elle métaphysique? Je crois qu'elle est essentiellement métaphysique. Parce que s'il y a deux choses qui m'ont intéressé, enfin, sauf les passions humaines que tout le monde connaît, c'est la littérature et la philosophie, et la métaphysique, et surtout l'idéalisme. C'est ça qui m'a intéressé, toujours. Le matérialisme ne m'a jamais intéressé. Il me semble une hypothèse assez pauvre et assez irréelle. Tandis que des écrivains comme Berkeley, ou Schopenhauer, ou Bergson, les orientaux, tout cela m'a bien intéressé. La philosophie indienne, j'en ai lu beaucoup, j'ai même écrit un petit bouquin sur le bouddhisme, j'ai publié à Buenos Aires, un manuel de bouddhisme, sans aucun droit, mais je l'ai fait. C'est un livre d'information, mais cela suppose une assez vaste lecture. Et comment pourriez-vous définir la métaphysique ? C'est la recherche de l'absolu, non ? Ou la recherche des choses essentielles, savoir qui nous sommes, que nous sommes, s'émerveiller des choses, tâcher d'en trouver une explication, savoir qu'on ne la trouvera pas. Aristote disait que l'étonnement était le commencement de la philosophie. Et c'est très bien, hein, l'idée de s'étonner. Il y a bien des gens qui ne s'étonnent pas, qui acceptent l'univers. Tandis que moi, je suis toujours étonné, étonné d'être dans un corps, étonné d'avoir une voix, d'avoir des yeux, d'avoir un passé, d'être en France, de parler avec vous. Tout cela m'étonne continuellement. Et quand on voyage, alors on est plus étonné que chez soi. Parce que Buenos Aires, enfin, je le connais trop, je ne me sens pas tellement étonné. Mais trouver dans un autre pays, parlant une autre langue, ou tâchant de la parler plutôt, tout cela m'étonne. Chesterton disait qu'il savait qu'il allait tout perdre, sauf la faculté de s'étonner. Il disait, je sais que je vieillirai pour l'amour, pour le mensonge, mais non pas pour cesser de m'étonner. Et alors il emploie une métaphore très belle. Il dit, la nuit m'étonnera toujours. C'est ce nuage plus grand que la terre. A cloud that is larger than the earth, and a monster made of ice. Et un monstre fait de Dieu. Non pas plein, mais fait d'eux. Ceci me rappelle une métaphore encore plus belle de Victor Hugo. Je crois que c'est la métaphore la plus étonnante que j'ai lue de ma vie. Victor Hugo dit, l'hydre univers tordant, son corps est caillé d'astres. Vous voyez, l'hydre univers, et les mots déjà monstrueux, non ? Et puis tordant, le mouvement que cela donne. Et puis le corps est caillé, cela est précis. Et puis, est caillé d'astres. L'hydre univers tordant, son corps est caillé d'astres. Cela se trouve dans ce que dit la bouche d'ombre. Une autre métaphore étonnante, bouche d'ombre. Non pas bouche sombre, mais bouche d'ombre. L'étonnement pourrait faire l'objet d'une définition de la fiction. Oui, l'étonnement. Mais pour étonner, il faut être étonné. Vos fictions étonnent. Oui, mais c'est l'étonnement parce qu'elles ont été écrites par un homme étonné. C'est-à-dire, l'étonnement n'est pas créé par la fiction. C'est la source aussi. C'est l'objet, c'est l'effet et c'est la cause de la fiction, non ? Et ça veut dire que la cause est nécessaire. Je vois qu'elles s'étonnent parce qu'elles ont été écrites par une personne étonnée. Et ce sont des symboles de l'étonnement, des chiffres de l'étonnement, des emblèmes. Est-ce que vous pourriez interroger votre rapport à la métaphysique et à la fiction ? Peut-être l'on pourrait dire que ce sont deux façons différentes de dire la même chose. Par exemple, on peut dire « Die Welt als Wille und Vorstellung »« Le monde comme volonté et représentation » Schopenhauer. Ou l'on pourrait dire « La ruine circulaire » Mais au fond, on dit la même chose. Ce sont deux façons d'exprimer la même idée ou le même sentiment, plutôt. Dans un cas, il y a le langage abstrait. Vous savez, Spinoza, par exemple. Et dans l'autre cas, vous savez, des fictions, des poèmes. Mais c'est la même chose. Et il y a des cas où ils se mêlent, par exemple, chez Lucrèce. Vous avez la pensée et l'imagination. Ils vont ensemble. Peut-être les Grecs ont-ils été les premiers à pouvoir penser. Parce que si vous lisez la Bible, il n'a pas à proprement parler de pensée. Il a surtout des images. C'est-à-dire que l'on pense au moyen de métaphores. Et Platon, il avait les deux façons de penser. Il pensait par raisonnement, mais aussi en usant le mythe comme instrument. Ce qui décourage un peu le lecteur de Platon, c'est que parfois il est en train de raisonner. Dans cet entretien de Socrate, le jour de sa mort, bien là, il est en train de parler sur l'immortalité. puis tout à coup il passe au mythe. C'est-à-dire qu'il pouvait user les deux langages. Les Grecs pouvaient encore user et le langage du mythe et le raisonnement. Tandis qu'après ça, nous pouvons user l'un ou l'autre. Le philosophe n'est pas un poète, le poète n'est pas un philosophe. Et les Juifs ne pouvaient être que des poètes, ils ne pouvaient pas être des philosophes. Dans la Bible, il n'y a pas de pensée proprement dite. Dans le livre de Job, par exemple, il y a une série d'arguments qui ne sont vraiment pas des arguments, sont plutôt des métaphores, sont des images. L'image de Dieu à la fin, sous l'image du Léviathan et de Behemoth. Puis, si vous prenez un livre comme le livre de Spinoza, alors il n'y a que de la pensée abstraite, là. Ou dans le cas de Descartes aussi, il y a la pensée. Mais les Grecs pouvaient utiliser les deux méthodes en même temps. Et après ça, la métaphore convient à la littérature et le raisonnement convient à la logique ou à la philosophie. Mais c'est essentiellement, c'est la même chose. On peut penser par image, on peut penser par raisonnement. Mais peut-être commence-t-on à penser par des images. C'est plus primitif que de penser par image. Un enfant, par exemple, est incapable de penser abstraite, mais il n'est pas incapable d'analyser figuratif. C'est-à-dire que l'abstrait et le mythique se rejoignent. Oui. Oui, l'abstrait vient après, je dirais, après coup. C'est que nous parlons du langage il y a un moment, c'est que l'on commence par des impressions. L'abstrait, c'est un mythique déconstruit. Oui, un mythique déconstruit, mais on commence par l'autre mythique. Voilà. Mon étonnement en vous disant, c'est la place que vous donnez à l'histoire, mais que vous déconstruisez aussi. Mais l'histoire est employée comme un artifice. C'est une des machines, non? Mais je crois que toujours dans une histoire, dans un récit, il faut mettre des détails comme ça, circonstanciels, pour que le lecteur y croit. Cela n'écoute rien. Il faut les mettre, surtout à présent. Jadis, c'était mieux. À présent, par exemple, si vous avez besoin d'un homme invisible, il vous faut inventer une méthode chimique, une méthode scientifique pour les faire invisibles. Tandis qu'auparavant, c'était plus facile. On n'avait besoin que d'une bague, par exemple, d'un manteau. Cela suffisait. Tandis qu'à présent, nous avons besoin de raisonner tout. Donc peut-être ce qu'on appelle science fiction est une forme un peu timide de la littérature d'imagination. C'était mieux quand on pouvait directement imaginer les choses magiques. On n'avait pas besoin de circonstances logiques ou de fictions logiques. Comment situez-vous ces personnages égarés dans cet espace magique, enfin, ces personnages d'une condition surhumaine? Pourquoi vous voulez dire que nous sommes ces personnages, déjà? Peut-être le sommes-nous. C'est une très belle hypothèse. C'est de penser que chacun de nous est un magicien qui a projeté l'univers, qui a projeté les autres, et qu'il l'a fait si bien qu'il est convaincu lui-même. C'est-à-dire, à ce moment, vous me rêvez, et vous ne savez pas que c'est vous qui me créez. Et moi, je vous rêve, je ne sais pas que c'est moi. C'est une hypothèse très hardie de Novalis. Tandis qu'il dit, c'est peut-être notre cas. Un magicien qui est convaincu par ses propres hallucinations, par ses propres visions. Novalis me fait penser aussi à l'écriture du Dieu. Enfin, Novalis rêvait aussi un langage universel. Oui, Novalis pensait aussi que tout était une cryptographie, que tout était une écriture secrète. Jean Blanc en pensait de même. Et puis Carlyle aussi. Carlyle disait que l'histoire est une écriture que nous devons écrire et lire continuellement et où l'on nous écrit aussi. Nous sommes des lecteurs, mais nous sommes aussi des lettres. Disait Carlyle. Nous sommes des lecteurs et nous sommes aussi des chiffres. Nous traçons des dessins, mais nous sommes dessinés. C'est un peu l'idée de Rue Circulaire. Mémorable. Jean Dève s'entretenait avec Borges, entretien d'archives de 1978. C'était Jorge Luis Borges dans À voix nue au micro de Jean Dev, une émission réalisée par Malika Mezgache. Première diffusion sur France Culture le 16 mars 1978. Vous pouvez réécouter cette émission en ligne et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.